works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot. Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot. Right by the score. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à la toute nouvelle émission de l'inconduite de partie. Je suis votre hôte Nicolas Duchamp, à ma gauche le toujours prolifique Pierre-Luc Giroux. Comment ça va Pierre-Luc ce matin? Ça va bien toi? Ça va très bien, écoute, je me suis encore couché tard comme je te disais, plus de bonne heure, mais pourquoi? J'avais une bonne raison hein? T'as une bonne raison hier. Ah, une bonne raison, félicitations Barack Obama, enfin un président qu'on va pouvoir aimer. J'espère qu'on va l'aimer. Je me dis que ça peut pas être pire que ce qu'on vient de vivre pendant les 8 dernières années. C'est sûr. Ah, écoutez, cette semaine, on a des nouveautés en studio. Ben, en studio pour l'émission au complet. Vous saviez qu'on avait notre site internet disponible au www.inconduitedeparti.com. Mais la nouveauté, vous allez même pouvoir nous rejoindre en onde par courriel au live à commercial inconduitedeparti.com. Donc n'hésitez pas si vous avez questions. Yes, allez, écrivez-nous. Écrivez-nous des commentaires positifs ou même négatifs. On va les prendre. Ça fait du bien. Des fois, une bonne claque en arrière de la tête. Alors cette semaine à l'émission, on reçoit Nicolas Caouette des Patriotes qui va venir nous parler du voyage des Pats aux États-Unis où est-ce qu'ils ont affronté 3 équipes de la NCAA au hockey. On va aussi parler de leur excellent début de saison. Ça va très, très bien pour les Patriotes. En deuxième partie, le toujours prolifique Pierre-Luc, comme je disais, qui nous parle des Cats, des Tigres et des activités complètes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais tout d'abord, les actualités de la semaine. Alors, cette semaine, ben écoutez, c'est pas juste cette semaine, à vrai dire, parce qu'on a été absent la semaine dernière, donc les actualités vont couvrir les 2 dernières semaines. Comme je viens de dire, les Pats étaient en voyage aux États-Unis dans la fin de semaine du 24 au 26 octobre. Le voyage s'est soldé par 3 défaites, 1-0 contre Brown, 3-1 contre Harvard, qui alignait 3 Québécois en passant, et une défaite de 2-1 contre Dartmouth. Mais c'est pas grave, fallait vraiment comprendre que c'est un calibre qui est légèrement supérieur aux Patriotes, donc c'est pas des défaites qui font mal, au contraire, des pointages serrés comme ça, c'est même constructif comme défaite, à vrai dire. Par contre, j'aimerais juste dire, ça a été très, très, très difficile pour moi, lors de ma recherche, de trouver des informations sur le site de l'UQTR, sur le site des Patriotes, à propos du voyage. Il y avait absolument rien. Ça serait le fun que le site de l'université parle un petit peu plus des Patriotes et avait dit tout ce qui est sport. Donc, peut-être un meilleur coverage si possible. Et ils ont aussi affronté la fin de semaine dernière McGill, puis ça a vraiment été une partie incroyable du joueur de deuxième année Alexandre Demers, alors qu'il a récolté 1 but et 3 passes pour un total de 4 points. Ne voulant pas être en reste, Jonathan Boutin et le capitaine Mathieu Gravel ont rajouté pour faire un total de 3 points les deux. Jean-Christophe Blanchard, qui est le gardien numéro 1 de l'équipe, a récolté la victoire. Victoire justement qui donne le premier rang aux Pats avec 12 points, une avance sur les Ravens de Carlton. Mais en plus, ils ont même un match en main sur Carlton, donc ça va très bien. Au classement top 10 de la SIC cette semaine, les Pats sont au 4e rang canadien en hausse de 2 positions. C'est donc un excellent début de saison pour eux. Au soccer, les équipes féminines et masculines terminaient leur saison dans la dernière fin de semaine d'octobre. Probablement sans refus, on s'entend que c'est pas été des saisons très faciles pour eux. Et ça s'est continué sur la même lancée. Les équipes féminines et masculines ont subi 2 revers contre les Citadins de l'UQAM vendredi et dimanche le 26 contre les Carabins. Fallait s'y attendre, les Carabins sont vraiment dominants cette année. Donc, les équipes d'étoiles du soccer de la Conférence du Québec ont été dévoilées cette fin de semaine. Les récipiendaires pour l'UQTR, Jessica Lavallée, qui est en éducation physique et de la santé de Labrador et qui est originaire de Terre-Neuve, a remporté le titre de joueuse ayant le meilleur esprit sportif. Et Marie-Michelle Lapointe, qui étudie en kinésiologie, a été nommée sur la deuxième équipe d'étoiles. Chez les hommes, le joueur ayant le meilleur esprit sportif, donc on est deux équipes très, très, très disciplinées ici à Trois-Rivières. C'est Ghislain Tabsoba qui a remporté ça, lui qui étudie en relations du travail. Et Daniel Dupont, l'arrière Daniel Dupont, a été nommé sur la deuxième équipe de la conférence. Bon, chez les femmes, en cette fin de saison, on se dit tout de même satisfaite de cette saison. Il faut comprendre que les Patriotes féminines évoluent dans une ligue où, tu sais, il y a certains clubs sont de loin meilleurs que d'autres. On passe à Montréal, entre autres. Mais contre des équipes de leur calibre, ils ont quand même bien performé. Ils ont même sorti des gros matchs contre des équipes qui sont vraiment classées plus haut. Chez les hommes, les choses sont moins encourageantes un peu. Le Zone Campus nous apprenait la semaine dernière qu'un certain groupe de joueurs n'était pas en accord avec la manière de fonctionner de l'entraîneur Pierre Clermont. De son côté, Clermont a promis de gros changements à la formation, n'aimant pas l'attitude de plusieurs joueurs. Donc, comme on dit, le diable est aux vaches. Chez les Cataractes, les Cataractes de Shawinigan, la semaine était calme au niveau des déplacements alors qu'ils disputaient une série aller-retour contre les Tigres et complétaient la fin de semaine contre Drummondville, donc on restait très proche. Les Cats sont sur une lancée, ça s'est continué alors qu'ils ont remporté leurs trois matchs cette fin de semaine par des pointages de 3-2, 4-1 contre Victoriaville et 5-2 contre les Voltigeurs. Ces trois victoires donnent aux Cats une 10e victoire de suite, donc c'est vraiment une lancée incroyable pour eux. Philippe Paradis a aussi été nommé joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Cataractes occupent le premier rang du classement de la Ligue à égalité avec les Wildcats de Moncton, qui détiennent toutefois trois matchs d'avance sur les représentants de la Cité de l'Énergie. On s'en va maintenant en musique avec un petit retour en arrière, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui m'a très, très, très souvent forcé à me lancer dans le trash, comme on dit. Voici Groovy Aardvark avec la chanson Ankylose sur les ondes de C'est fou 89.1. La vue d'admettre chose, va prendre par la main, s'occupe de moi. gens impatients qui pèsent dans le dash, qui cherchent les bons tuyaux, qui règnent déjà pas. Et vous écoutez l'inconduite de partie. On soit maintenant en studio. Nicolas Caouette, joueur des Patriotes. Nicolas, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ah, ça va très, très bien ce matin. Donc, Nicolas, comment va la saison à date? Ben, à date, je pense qu'on peut pas demander mieux. On est en première position. L'équipe va bien. L'équipe progresse. Donc, jusqu'à maintenant, on va toucher du bois. Tout fonctionne pour le mieux pour nous autres, mais... On sait que quand on est au sommet, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est descendre. Donc, tout le monde veut essayer de nous battre. Tout le monde voit qu'on progresse bien. Fait que ça va être difficile de garder le même rythme, mais je pense qu'on est capable. Ouais, OK. À date, là, ça a été quoi à peu près le plus gros défi côté équipe que vous avez affronté? Ben, c'est sûr que Carlton représente une certaine surprise, là. Pour les avoir affrontés l'année passée, ils sont arrivés dans la Ligue l'année dernière. On voyait que c'était déjà quand même une bonne équipe. Cette année, ils nous talonnent pas mal. Là, ouais, ils nous talonnent pas mal. Un point en arrière de vous autres. Un point en arrière de nous autres. Puis notre seule défaite, justement, est contre eux autres. Là, dans le fond, on n'avait pas touché vraiment la rondelle ce soir-là. Difficile partie. Ouais. Oh, ben, c'est des choses qui arrivent. Hein? Ça, je pense que vous avez fait ça dans la même fin de semaine que contre Ottawa. Si oui, exactement. On avait joué contre Ottawa le lendemain. OK. Ah, ben, d'abord, vous n'étiez pas fatigué. Je me disais peut-être qu'Ottawa était avant, vous aviez fatigué un peu. Non, il n'y avait pas d'excuse pour celle-là. C'est pas grave. Vous venez d'un voyage aux États-Unis, un voyage qui, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas la NCAA, c'est la ligue, dans le fond, collégiale américaine, qui regroupe, qui a deux divisions, dans le fond, la division 1 puis la division 3. En tant que tel, là, un voyage comme ça, on fait, c'est pour le team bonding un peu, ou c'est vraiment pour aller jouer contre des équipes de gros calibre, puis s'améliorer, apprendre des choses nouvelles, un peu des deux aussi. Je te dirais que c'est pas mal un peu des deux. C'était dans le fond, c'était un moment propice là dans le milieu de notre saison pour se regrouper et apprendre à mieux se connaître en tant qu'équipe, puis de connaître un peu plus nos coéquipiers, puis en même temps de nous comparer aux équipes de division 1 aux États-Unis. Là, c'est toujours un beau challenge de faire des parties comme ça, puis en même temps c'est un peu nouveau pour certains pour les premières années. Donc non, c'est quelque chose que tout le monde a bien aimé, puis ça fait 3 ans qu'on fait ça, puis d'après moi on va le faire souvent là à chaque année. Là. Ça serait à répéter comme expérience. Oui, c'est une belle expérience. Hein? Puis en plus parce que parce qu'il arrive c'est que les clubs de la division 1 sont présentement en match hors concours, donc ils sont en train de faire. Mais là je crois que la saison a commencé, mais au moment où vous y êtes allé là, étaient en finition de camp d'entraînement dans le fond, donc affronter une équipe du calibre de Trois-Rivières, c'est bon pour eux autres aussi là. Ouais, c'est ça. Ben, on joue aussi sur notre réputation. Ils savent qu'on est une bonne équipe au Canada. Quand on arrive, puis on joue contre eux autres, la plupart du temps, c'est leur première partie hors concours. Donc, ils s'ajustent par rapport à nous autres. Puis, dans le fond, ça les prépare pour leur saison qui est à venir, là, qui a débuté la semaine passée. Là. OK. Son autre, les games, là. On parle pas des matchs, là. Comment ça se déroulait le voyage? On est parti, si je me trompe pas, c'est mercredi dernier. Ouais, pas mercredi, le 23, c'est ça? Ouais, on est parti le mercredi en direction de Boston. Puis, dans le fond, on jouait jeudi, vendredi, samedi. Donc, on est parti le mercredi, puis on est revenu le samedi soir. Directement samedi soir. Puis ouais. Là, qu'est-ce qu'on faisait là-bas à part... parce qu'on occupe nos temps, j'imagine, là, entre les... Ben, l'horaire était quand même assez chargé. On est arrivé mercredi soir vers 10h30, 11h. Faut comprendre aussi qu'on revenait d'un gros mois d'octobre avec énormément de hockey. Donc, dans le fond, on s'est préparé mentalement pour ces trois parties-là. Le jeudi, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé visiter le campus à Harvard. Oh, OK. Donc, c'était quelque chose de quand même... Un beau campus? Pardon? Un beau campus? Ouais, c'est intéressant de voir. On a visité un peu le terrain de football, l'aréna. On est allé un peu sur le site de l'école, dans aussi le village d'Harvard. C'est une petite communauté. Là. Non, ça a été très bien. Le fameux cliché du campus américain, là, vraiment, au niveau des bâtiments puis du village, comme tu dis, ce qu'on appelle le ghetto étudiant, là, dans le fond. Ouais, là, c'est ça, c'est vraiment comme ça. Au niveau capacité, l'aréna Harvard, puis Dartmouth, puis Brown, ça ressemble à quoi comme aréna, un peu? Harvard, c'est une vieille aréna qui contient, je dirais, pas mal moins de personnes que Brown et Dartmouth. Je pense qu'ils jouent pas mal sur la tradition, là, Harvard, là. Mais non, ça a été l'aréna où j'ai été le plus déçu, entre guillemets, dans les trois. Là. Vieille aréna, là, mais non, c'est quand même une belle place, mais comparé aux deux autres, là, c'est celle qui est la moins conventionnelle. La moins conventionnelle, au niveau des vestiaires aussi, puis tout ce qui est installation. Ouais. Ah ouais, tant que ça, pourtant, ouais. C'est pas Harvard qui manque l'argent. Là. Non, c'est pas vraiment. Là, je pense qu'ils peuvent construire assez d'aréna pour tout ce qui est au Québec, là, dans le fond, comme aréna. Donc, on a visité les villes, on a visité Boston. Avez-vous visité d'autres villes ou? Ben, le vendredi, on a visité Boston. C'était, dans le fond, c'était un temps libre là, qu'on avait en équipe. OK. Puis, le centre-ville de Boston complet. Ouais, le centre-ville de Boston. Okay. On est allé visiter. Avez-vous vu le Fenway Park? On l'a vu en passant sur l'autoroute, mais on l'a pas visité. Okay. Dommage, dommage. On a essayé de rentrer à l'aréna des Bruins, mais. On nous a refusé l'accès. C'est plate parce que tu sais, ça aurait été différent de l'aréna d'Harvard, en tout cas. Ah, ça, c'est sûr. Il n'y a pas vraiment de différence. Bon, on a avion au match. Vous affrontiez Brown le jeudi soir. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui est arrivé? On a perdu 1-0. Ça a été une très belle partie. Du beau jeu, du beau calibre. La partie aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, là, c'est juste que finalement ça s'est terminé pour eux. Mais ça a été, je te dirais, dans l'ensemble, une très belle partie d'équipe. Bien joué, discipliné, tout ça. C'est une partie, une bonne défaite. Une défaite constructive. Là, okay. C'était une partie plaisante à jouer, ça roulait très bien. Puis non, c'était une belle partie. Vendredi soir, Harvard, on m'a dit que ça l'a brassé un petit peu plus. Qu'est-ce qui... On m'a parlé de l'arbitrage aussi. Ouais, j'ai pas l'habitude de parler contre l'arbitrage, mais je dirais que ce match-là a été très décevant pour nous autres parce qu'on a passé, je dirais, la moitié de la partie sur le banc des punitions à se défendre. Au cachot. Au cachot, exactement. Surtout que c'est une partie hors concours et qu'on veut, on monte à Boston, on veut jouer une partie, on n'est pas là juste pour pratiquer notre désavantage numérique. Ouais, puis on avait l'impression des fois que dans les décisions de l'arbitre que c'était faussé, erroné. Puis des fois c'était pas nécessairement des punitions là qui valait le coup d'être appelé là. Ben, c'est plate ça, surtout quand c'est un match hors concours, tu sais, il me semble que tu t'enlèves un petit peu d'intérêt dans le match là, quand tu fais ça, tu donnes des punitions. Ouais, exactement, là, l'arbitre a complètement perdu le contrôle, là, je te dirais, à partir de la deuxième période. OK. Ce qui est de valeur, c'est qu'on n'a jamais pu vraiment voir notre capacité face à Harvard. Ça finit 3-1. Ben, tu as piqué tout le long à 3-1, là, c'est normal. On s'est défendu toute la partie, puis non, on n'est pas sorti de là satisfait. Puis ce que j'ai entendu à travers les branches par d'autres joueurs de mon équipe, c'est qu'à la fin de la partie, l'entraîneur d'Harvard s'est excusé à notre coach. Ah oui? Oh boy! Puis c'est... Attends, le coach, c'est... Ted Donato, c'est ça. Ted Donato, l'ancien joueur des Bruins puis tout ça. Ouais. Donc un gars qui connaissait son hockey là, dans le fond ça. Là. Donc, oh ok, bon ben. Puis au niveau si mettons on met de côté cet arbitre là de Harvard, les arbitres pour le reste, est-ce que c'est à peu près le même type d'arbitrage au niveau des contacts, au niveau de ce qu'on laisse aller puis ce qu'on laisse pas aller? Ils sont extrêmement sévères pour les coups à la tête. Okay. Ça, ils avertissent toujours au début de la partie. Là, ça, c'est pas toléré, même les mises en échec par derrière. Non, je te dirais, là, l'arbitrage, là, il y a absolument rien eu dans les deux autres parties. C'était parfait. C'était parfait. Eux autres, ils fonctionnent pareil comme la Ligue nationale, c'est-à-dire qu'il y a deux arbitres en chef et deux arbitres sur les lignes. Okay. Donc, nous autres, on est habitués avec seulement un arbitre. Donc, c'est sûr que tu fais plus attention à tes actions quand tu sais qu'il y en a deux qui te regardent au lieu d'un. Là. Mais quoique si on regarde dans la Ligue nationale, le problème, puis pour avoir arbitré quelques parties moi-même, c'est que souvent on regarde plus la rondelle pour être sûr de pas se faire pogner par la rondelle que justement regarder le jeu. Il disait ça dans la Ligue nationale, t'as bien beau avoir deux arbitres, si les deux regardent à la même place, il n'y a pas de différence. Exactement. Parle pour toi, mon nez. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je suis un arbitre très amateur. Plus amateur que ça, là, c'est difficile à voir. Puis là, ce qui arrive aux États-Unis, c'est que les joueurs jouent avec la visière ou la grille complète par ouais. rapport à nous ici qui jouent avec la demi-visière. Ouais. C'est une différence au niveau de du niveau d'arrogance qu'on a, que les joueurs adverses ont quand on a une grille complète pis on peut pas manger, on peut pas faire sentir notre gant aux joueurs adverses, comme on dit. Ouais, ben, dans le fond, contre Harvard, ça s'est produit à quelques reprises. Contre Brown Dartmouth, il y a eu aucun problème. Les gars se respectaient beaucoup. C'est sûr que la frustration a un peu monté par rapport à nous quand on voyait que l'arbitre ne nous donnait pas de chance. Donc, c'est sûr que c'est frustrant de voir ça, puis de voir qu'il y en a qui sont plus braves avec une grille, mais ça fait partie du jeu, puis on peut pas vraiment faire de quoi contre ça. Là. Puis là, là, si on avait à mettre des noms là, dans l'équipe, là, que ça a brassé, là. Que ça a brassé, je dirais que l'équipe je te niaise. C'est pas mal, tout est inclus. Ah, tout est inclus là-dedans. Ouais. Bon, ben au moins ça se tient, c'est ça qui est le fun. Ouais, c'est ça. Puis là, il restait le troisième match qui était le samedi soir. Le troisième match en trois soirs, on devait commencer à être fatigué un peu. En plus, on n'est pas dans nos affaires, on est à l'hôtel. Ouais, on était fatigué, mais on voulait pas prendre ça comme excuse, là, surtout que c'est un beau voyage, puis c'est une belle expérience. Finalement, on a perdu 2-1, c'était une très belle partie. J'étais impressionné par Dartmouth, belle équipe, belle petite équipe qui travaille fort. Puis comme je te disais, il n'y a eu aucun problème sur la discipline avec les arbitres. On s'était averti justement avec l'équipe de Dartmouth au début qu'il y avait eu certains problèmes mm-hmm. pendant la partie de la veille. Puis justement, ça a bien répondu. Les gars ont joué au hockey, puis ça a donné un bon spectacle. Je pense que les spectateurs étaient contents du résultat. Là. Il y avait-tu beaucoup du monde au Il y avait quand même du monde. Dans les trois parties, c'était la foule où il y avait le plus de monde. Okay. On devrait s'approcher. Je pense qu'ils ont dit 800-900 personnes. 800-900 personnes pour un match hors concours. Oh, ouais, c'était très bon. C'est parce que aussi, dans tout ce qui est NCAA, je trouve le sentiment d'appartenance à l'université, puis c'est qu'on en fait un événement. Le club joue, ouais, surtout Dartmouth, qui évolue en première division au hockey, mais ils sont en division 1-2A au football, c'est-à-dire que la division est un petit peu moins connue dans la division 1 au football. Donc, le hockey a une place à peu près aussi importante que le football à l'université, contrairement à tout ce qui est division 1, probablement, dans d'autres... Quoique Harvard puis Brown, c'est la même chose. Là. C'est des équipes de football, donc c'est... Puis c'est des équipes de la Ivy League, donc ceux qui connaissent la Ivy League, c'est les universités où est-ce que ben, les plus vieilles, les plus prestigieuses, qui coûtent très cher, donc des enfants de riches, il y en a plusieurs, donc ouais. Tu sais, ça travaille pas, puis ça peut aller au game, il n'y a pas de problème, puis après ça, quoique je veux pas rentrer dans le cas des enfants riches, il n'y a rien de mal à ça, là. Moi, avoir été un enfant très riche, j'en aurais été heureux, puis j'aurais été au game, hein. Écoutez, on va passer à une pause. On revient après la pause avec Nicolas Caouette. On continue à parler de ça. Puis de la saison très excellente à la des Patriotes. Il y a de la place en masse dans mon jacuzzi. Radio-Radio et Gatineau en spectacle à l'Embuscade le 13 novembre prochain à 21h. Venez danser sur les rythmes des deux formations les plus hip-hop les plus vues au Québec. Entrée 10$. Une présentation de Bon Sound, C4, C'est Fou et Boréal. Radio-Radio et Gatineau à l'Embuscade le 13 novembre prochain. Jeudi 6 novembre au Charlot, Studio Stéréo Cifou 89.1 vous invite au lancement de la compilation Sound from the North Volume 1, disponible dès maintenant sur iTunes. Lancement officiel de la compile, agrémenté de prestations de musique électronique avec Bio Bazar, Nia, Mitra et Maxime Robin. Partez électro ce jeudi 6 novembre, 20h, au Charlot. Entrée gratuite. À lire dans cette édition de votre journal Zone Campus. Actualité. La FEUC réclame des stages rémunérés. Art. Les projets électro-monstres de Danny Janvier. Sport. Saison décevante pour les Patriotes Soccer. Changement prévu pour l'hiver. Zone Campus. Offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus. Parce que ça vous concerne. Hey Mike! Viens-tu dîner avec moi ce midi? Ben oui, où est-ce qu'on va? Je le sais pas. Veux-tu aller chez Mia Pasta? Ah, je connais pas. C'est un nouveau concept de bar à pâtes. Il y en a un dans le Quiznos, juste à côté. Parfait, je t'invite. Pourquoi tu ris? Ben, c'est juste qu'en ce moment, il y a un 2 pour 1 au Mia Pasta et au Quiznos. Ah, ben raison de plus pour t'inviter. Mia Pasta et Quiznos, 3544 Boulevard des Forges, l'après-cours par excellence. Depuis 10 ans, c'est fou dans vos oreilles. 89.1. Et on est de retour en studio avec Nicolas Caouette, joueur des Patriotes, puis Luc Giroux, mon co-animateur depuis les tout débuts de l'inconduite de partie. On va continuer ça maintenant qu'on a parlé du voyage aux États-Unis. Toi, t'as joué dans l'NCAA, c'est ça, je voulais en parler aussi. T'as joué dans l'NCAA, oui. T'as joué au New England College. Oui. Différence de calibre, il me restait de ça à parler pour l'NCAA. Différence de calibre, division 1 et division 3. Je te dirais, là, ça fait longtemps que j'ai joué dans la NCAA, mm-hmm. là, mais c'est un peu exemple, on pourrait comparer ça à une filiale. OK, OK. Juste pour mettre... un petit peu club-école, là, ouais, dans le fond. Exact. Y en a aussi qui jouent dans la division 3, qui pourraient jouer dans la division 1, mais des fois, c'est le côté monétaire qui rentre en ligne de compte, mm-hmm. parce que c'est extrêmement coûteux. Puis je connais des gars, exemple, au Québec, qui auraient pu jouer... en division 1, mais qui n'avait pas les moyens financièrement pour jouer dans cette ligue-là. C'est cher aux États-Unis, l'université. Oh, ouais. Dire qu'il y en a qui chialent ici parce qu'ils trouvent que 50$ de plus par session, c'est cher. Là. Ils ont rien vu, absolument non. Pas comparé aux États-Unis. Donc, la saison présentement, on affronte McGill ce soir. Là, à date, on en avait parlé un petit peu. On disait que ça allait très bien. Y a-tu des surprises au niveau de la production de l'équipe? Y a-tu des choses qu'on s'attendait pas? D'autres... je pense que la production du premier trio, si on pouvait s'y attendre, là, ça va très bien avec Demers Boutin. Ouais, notre premier trio qui est fidèle à lui-même, là, on a absolument rien à dire. Je dirais que c'est la pierre angulaire de l'offensive de l'équipe, puis ils font un excellent travail jusqu'à présent. Pour le reste, je pense que c'est un heureux mélange de points de tout le monde. Là. Tout le monde contribue, tout le monde fait son petit travail dans l'équipe. Puis c'est ça qui rend qui fait que l'équipe est au sommet présentement. Là. OK. Yes, donc on parlait d'Alexandre Demers, Jonathan Boutin. Ouais. C'est les deuxième et troisième meilleurs marqueurs de la Ligue, ouais, avec 17 points chaque. Est-ce que on pourrait vraiment considérer ces joueurs-là comme les meilleurs des joueurs d'impact là, dans la Ligue? Sans aucun doute. Sans aucun doute? Oh, oui. Pour ce qui est de Jonathan Boutin, c'est sa quatrième année, puis... il se situe souvent dans les meilleurs marqueurs de la Ligue. Pour ce qui est d'Alex Demers, sa deuxième année, puis l'année passée, on voyait déjà qu'il y avait des belles qualités offensives, puis cette année, il se met plus en valeur parce que, justement, un gars comme Thierry Poudrier a terminé son stage à l'école, donc la place est là pour Alex, présentement. Puis il apprend bien, en tout cas. Mais il avait joué à Drummond, lui, dans le junior, puis déjà, ouais, je le trouvais très, très bon dans le junior, donc... il continue sur sa lancée. C'est un choix complet. Ouais, c'est ça. Puis il était gauche, si je me trompe pas. C'est un centre. Excuse, ouais, oui, ouais. T'as raison. Donc, je trouve que les trois gars, ce trio-là, se trouvent parfaitement, là. Part de ça, écoute, Jean-Christophe Blanchard, je pense qu'on peut pas mal dire qu'il a été nommé numéro un de l'équipe, fait du très bon travail. Ouais. Ce soir, on affronte McGill. Qu'est-ce qu'on s'attend comme McGill au niveau de... On les a affrontés dimanche dernier, si je me... Ouais, vendredi passé, excusez-moi. Ouais. On les a affrontés vendredi, c'était une série aller-retour, si on veut. Ouais. On a gagné 7-3, est-ce qu'on s'attend justement, ou va avoir eu des... Qu'est-ce qu'on va améliorer contre McGill, même si on a remporté la partie, qu'est-ce qui est à changer un petit peu? Premièrement, on s'attend surtout pas à ce que ce soit aussi... ce serait pas facile, mais que les choses aient bien tourné tout au long de la partie vendredi. De notre côté, le match de vendredi passé veut absolument rien dire présentement. On regarde celui de ce soir. On s'attend à ce que McGill rebondisse, surtout qu'ils n'ont pas encore gagné cette année. Non, c'est ça, zéro victoire encore. Ouais, exactement. C'est sûr qu'ils vont sortir fort. Ils sont certainement pas contents de nous avoir vu les battre 7-3 chez eux. Moi, je m'attends vraiment pas à une partie facile. D'après moi, ça va se terminer par un pointage serré comme d'habitude, là, comme les bons vieux matchs de Patriot McGill. Ouais. Puis petit peu plus de hargne dans le temps. Oui, plus de désespoir pour eux, parce que veux pas, plus t'avances, puis plus tu gagnes pas, ils t'en restent de moins en moins là, pour faire les séries. Ouais. Les séries, ça marche comment dans la Ligue exactement? Ben, la dernière position de notre division la conférence ne fait pas les séries. Puis ensuite, je pense que c'est les deux premiers vont passer un tour. Puis ensuite, c'est deux... OK, puis là, on monte en tant que tel, comme un tournoi, ouais, puis on se retrouve. L'équipe qui gagne s'en va au championnat national. Championnat canadien, merci. Donc, c'est ça. Je sais pas si tu peux en parler. Y a-tu des blessures, des gars mochés dans l'équipe ou on a eu le temps de s'en remettre avec la semaine où est-ce qu'on a fait ce match? La semaine de relâche a fait beaucoup de bien. Peut-être des petites blessures mineures, mais présentement, l'équipe est en santé. L'équipe là. Est en santé complète. Ouais. C'est bon, ça, c'est le fun. Donc, gros match ce soir. J'invite vraiment tous les étudiants à y aller. Là, vous avez pas d'excuses en tant que tel. La semaine de relâche vient de se faire. Vous avez pas d'examen. Ça, c'est pas vrai. Vous me ferez pas croire ça demain matin. Donc, y a pas de raison de manquer ça. C'est à 7h ce soir. Oui. Au Colisée de Trois-Rivières, qui est à 3 pas d'ici en passant, au centre de la piste de course. C'est à ne pas manquer. J'ai entendu dire, par exemple, qu'il était pour avoir quand même beaucoup d'étudiants. Ouais. Là, ça a circulé pas mal là, dans l'école. J'en ai entendu parler beaucoup. Surtout que c'est un soir de semaine. C'est McGill. Donc, je pense qu'il devrait avoir une belle foule ce soir. On va avoir du plaisir. Oui. C'est bon. Nicolas Gawette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, merci à vous autres. C'est tout un plaisir de t'avoir en studio, de nous parler de hockey, puis tout ça, dans le fond. On s'en va maintenant en musique avec le groupe Band de Garage qui nous fait la chanson Camper sur l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Écoutez les conduites de partie, il est 9h42 en ce magnifique jour de novembre. Pierre-Luc, qu'est-ce qui s'est passé dans le junior majeur cette semaine? Oui, Nick, donc on a beaucoup de stock cette semaine parce qu'on a peu eu d'émissions la semaine passée. Exactement. Donc, il y a eu le temps de s'en passer des affaires dans le circuit Courteau durant ces deux semaines. Tout d'abord, les Cataractes ont pris pour de bon les commandes du premier rang de la section centre. On est rendu à 10 victoires de suite pour les Cats. C'est 3 de moins que le record d'équipe qui a été établi dans l'année 1994-95. Les Cats se sont ainsi emparés du premier rang au classement général de la LHJMQ, mais peut-être pas pour longtemps parce qu'ils ont le même nombre de points que les Wildcats de Moncton. Mais ces derniers ont 3 matchs en main. Nicolas Riopelle à Moncton joue comme c'est pas possible de jouer dans les filets, là. Il y a pas de défaite à date en temps réglementaire. Il est dur à battre. Puis ce gars-là est pas repêché dans les nationales. Non. Il a été invité au cadre du Canadien de Montréal, au début de l'automne. J'imagine qu'il va signer un contrat professionnel après une saison comme ça, là. C'est tout simplement. Quoique, il me rappelle vraiment fortement Olivier Michaud. Je sais pas si tu te souviens d'Olivier Michaud, ouais, mais c'était Michaud. Ça, pour pêcher, dominait dans le junior majeur. Finalement. Ben, ça, écoute, il a joué 18 minutes dans la Ligue nationale, c'est plus que toi pis moi ensemble. Ouais, si les Cataractes continuent à jouer comme dans les dernières semaines, je pense que les Wildcats, vont perdre dans le fond un petit peu des points dans le classement. C'est sûr que les Cataractes, d'après moi, vont continuer sur leur lancée. Donc, je sais pas si tu te rappelles, Nicolas, mais quand on s'est laissé il y a 2 semaines, jour pour jour, les Cats étaient à égalité avec les Voltigeurs au premier rang de la section centre. Mais il y a un plus gros écart qui s'est creusé entre les deux équipes. Les Cats sont maintenant 8 points d'avance sur les Voltigeurs. Donc, vous voyez comment ça peut changer vite dans le hockey. Ben, ce qui arrive, là, ces 8 points d'avance-là, à date, je pense qu'il y en a 6 qui sont parce que les Cataractes les ont battus. Yes, les Cataractes ont jusqu'à maintenant remporté les 3 duels face aux Voltigeurs, donc c'est certain que ce sont ces matchs qui font vraiment une grosse différence dans le classement en ce moment. Les Voltigeurs n'ont que 4 défaites en temps réglementaire cette saison, dont 3 contre les Cataractes. Donc si les Voltigeurs veulent espérer terminer au premier rang de la section centre, là, va falloir battre les 4 là, parce que sinon je pense qu'on va oublier le projet. À moins d'un revirement inattendu des Cats, qui en gagne plus une, là, mais... Ça serait très étonnant. Très, très surprenant. Donc, les Cats, la semaine dernière, ont remporté les 3 matchs qui les opposaient aux équipes de leur section. Dans un premier temps, jeudi soir, les Cats ont battu les Tigres à Victoriaville par la marque de 3-2. Contrairement au dernier match qu'ils avaient eu contre eux la dernière fois où les Cats avaient largement dominé, ça n'a pas été un match facile pour les Cats alors que les Tigres ont été dans le coup durant tout le match. Les Cats ont pris les devants tôt en deuxième période avec des buts de Charles-Olivier Roussel et de Mathieu Pistilli. Ensuite, l'arbitre a décerné un tir de pénalité aux Tigres alors que Jonathan Bonneau a réussi à déjouer Gabriel Girard. L'écart était rendu à 1 but et Olivier Hinz est venu créer l'égalité en avantage numérique un peu avant la fin de la deuxième période pour faire 2-2. Et c'est un but de Maxime Legault en troisième période qui est finalement venu donner la victoire aux Cats. Dave Labrec a été la première étoile du match avec 2 passes dans la victoire. Il joue très bien, M. Labrec. Yes. Fait noter aussi dans le match, c'était le deuxième gardien, Gabriel Girard, qui était dans le filet pour les Cats. Lui qui a très bien fait, repoussant 24 tirs. Très impressionnant, ce jeune gardien de 17 ans, là. Je pense que ça va être un très, très bon espoir, là, pour les prochaines années. On l'avait vu quand on avait été voir la partie en début de saison, puis je le trouvais bon pour un gardien de 5 pieds 10. C'est pas un gros gabarit, mais... Juste 17 ans, garde très bien les buts, là. Il y a du potentiel dans ce jeune. Yes. Ensuite, donc, le lendemain, les deux équipes se retrouvaient encore, mais cette fois, c'était à Shawinigan, à l'Arena Jacques Plante. Donc, cette fois, les Cats n'ont pas perdu de temps alors qu'ils ont marqué le premier but en première période. C'est Pierre-Alexandre Vandal qui a réussi à déjouer le gardien des Tigres. Puis, tôt en deuxième période, Mathieu Pistilli, avec son 17e de la saison, est venu donner une avance de 2 buts aux Cats. Les Tigres ont alors exporté un riposté avec un but de Andrew Nestrasil, mais les Cats ont répliqué avec 2 buts rapides en avantage numérique pour terminer la deuxième période. Nestrasil. Yes, Nestrasil, c'est le mot de la journée, Nestrasil. Et le compte final, donc 4-1 pour les Cats. Pierre-Alexandre Vandal a été la première étoile du match avec 2 buts et 1 passe dans la victoire. Puis samedi, donc le 3e match en 3 soirs pour les Cataractes, mais ça leur a quand même pas empêché de battre leurs grands rivaux, les Voltigeurs. Ils ne manquaient pas d'énergie du tout en première période alors que les Cats ont rapidement pris les devants 3-0 avec 2 buts de Charles-Olivier Roussel. Les Voltigeurs ont répliqué en deuxième période avec un but en avantage numérique sur un tir frappé du défenseur Andrew Randazzo. Tôt, en troisième période, Mathieu Pistilli est venu recreuser l'écart à 3 buts, ce qui a mis les Voltigeurs dans les câbles. Le score final, 5-2 pour les Cataractes. Mais pourtant, le score n'indique peut-être pas tout à fait l'allure du match, car les Voltigeurs ont dominé 45-32 au chapitre des tirs. Mmh. Donc, je pense que ce qui a fait vraiment la différence dans le match, là, c'est Timo Pallmeyer, qui a repoussé 43 des 45 tirs qu'il a reçus. Puis peut-être la faiblesse du goaler de Drummondville aussi. Peut-être aussi. Pallmeyer a été nommé la deuxième étoile du match. La première étant le jeune joueur de 17 ans, Philippe Paradis, qui a récolté 3 points. Il a été nommé joueur offensif aussi de la semaine dans la LHJMQ. Donc cette semaine, 2 matchs pour les Cats. On tentera d'aller chercher une 11e et une 12e victoire de suite. Par contre, on n'est pas à la maison, mais ça n'a pas l'air trop à déranger les Cats dernièrement. Donc les Cats se rendront à Verdun samedi pour affronter le Junior de Montréal. Puis ils se rendront au Colisée Pepsi dimanche pour y affronter les Remparts. C'est un affrontement très attendu entre les deux équipes. Le premier de la saison, d'ailleurs. Donc, en passant, il y a déjà beaucoup de billets qui ont été vendus à Québec pour ce match. Et je vais y aller avec mes magnifiques prédictions, Nicolas, encore une fois. Oh, on a droit aux prédictions de M. Giroux. Yes, donc j'ai prédit une 11e victoire face aux juniors. Mais je crois que la belle séquence des Cats s'arrêtera à Québec. Ah oh oui, quelle surprise! Je leur souhaite pas, mais on verra bien. Maintenant, on va parler des Voltigeurs qui commencent à traîner un peu de la patte là, dans les derniers temps. Mm-hmm. Eux qui avaient commencé la saison en feu, on est en train de descendre tranquillement pas vite dans le classement. Non, on s'y attendait, là. C'était trop surprenant un petit peu là, comme début de saison. C'est trop surprenant, mais à quelque part, quand t'as un beau travail d'équipe comme on avait au début de la saison, tu peux aller loin comme ça, quand ça fonctionne normal. Donc le problème pour les Voltigeurs, comme on l'a dit tantôt, pas capable de battre les Cataractes. Donc, je pense que ça va être vraiment leur bête noire cette année. Et s'ils veulent terminer plus haut au classement, là, va falloir être capable de battre des battes parce que on a quand même 8 matchs à jouer contre eux cette saison. Donc, si on les perd les 8, là, ça commence à changer les données pas mal pour eux. Donc, les 2 derniers matchs qu'ils ont joués étaient contre les Cataractes. 2 défaites, une par la marque de 6-3 et l'autre de 5-2. Va falloir que l'entraîneur Guy Boucher trouve une solution pour éviter que Pistilli et que la Londe McNichol continuent à faire des siennes face aux Voltigeurs. Les Voltigeurs joueront leurs 3 prochains matchs face aux Maniacs de Lewiston. Donc, ça va être le temps pour eux de reprendre le bon chemin, comme on dit. Donc, cette semaine, ils se rendront à Lewiston vendredi et samedi avant de revenir au centre Marcel Dionne vendredi prochain. Ma prédiction, 2 victoires pour les Voltigeurs. Donc, on parlait dans les dernières semaines de calendrier plat, Nicolas, là, oui, ça, c'en est un. Écoute bien ça. Vas-y. 3 matchs en 13 jours pour les Voltigeurs. Ensuite de ça, c'est contre la même équipe, les 3 matchs, contre une équipe des États-Unis qui est Lewiston. Donc, à quelque part, là, c'est difficile de garder les troupes actives là, quand c'est des matchs comme ça pendant 2 semaines. C'est 3 matchs. Il y en a 2 à Lewiston, 1 ici. 2 à Lewiston en fin de semaine. Okay. Le prochain s'en va vendredi prochain à Drummondville. Ouais. OK, ouais. Non, j'avoue que... C'est pas fameux, en tout cas. Je sais que quand toutes les équipes vont aux États-Unis, vont jouer 2 matchs contre Lewiston habituellement dans la même fin de semaine. C'est pas tout le temps comme ça. Non, OK, vas-y. Non. Ça dépend vraiment des équipes. Normalement, Lewiston, ils reçoivent 1 fois. OK. Ça arrive des fois 2. Okay. C'est vraiment quand c'est des équipes qui vont là une fois de temps en temps quand ils font leur voyage annuel. Ah, je pensais que quand ils faisaient justement leur voyage, ils essayaient d'en jouer le plus possible d'une... Non. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'avoir des calendriers comme ça, moi, je pense que M. Courteau, ça serait peut-être une bonne affaire de revoir votre calendrier l'année prochaine parce que des fois, là, ça fait dur. Ou il y a peut-être un tournoi de hockey mineur à Drummondville, ce qui fait que... Donc, il y a peut-être une raison, on sait pas. On sait pas. On va terminer en parlant de nos Tigres qui vont... pas bien eux non plus dans les temps qui courent. Ils en sont à 4 défaites de suite. Donc, comme on en a parlé tantôt, ils ont perdu 2 fois contre les Cataractes cette semaine pour terminer au centre Georges Vézina pour y affronter les Saguenayens de Chicoutimi. Dans ce match, d'ailleurs, l'entraîneur très controversé, Richard Martel, en était à son 1000e match dans la Ligue. Même si c'est pas un entraîneur que j'apprécie beaucoup, je vais quand même en profiter pour le féliciter. En espérant qu'il en fasse pas 1000 autres. Mais je me demandais, il y a combien de clubs dans la Ligue que Richard Martel n'a pas entraîné? Dans le fond, il a entraîné le Drakkar. Je pense qu'il y a juste le Junior de Montréal. Mais les Huskies de Rouyn-Noranda, lui, à vrai dire, il avait entraîné le Lazare de Saint-Hyacinthe, donc qui est l'ancêtre des Huskies de Rouyn-Noranda. Mais c'est les Foreurs de Val-d'Or, ensuite. OK, il a fait des Foreurs aussi. Les Foreurs de Val-d'Or et le Drakkar de Baie-Comeau. puis les Saguenayens. Finalement, il est retourné dans sa ville natale, à Chicoutimi. Ah, un vieux de la vieille, comme on dit. Yes, bon, on va espérer qu'il soit pas là encore. Donc, moi, ça me dérange pas, je pense que... Mon Dieu. On a eu pas mal de démêlés avec lui à Québec. Toi, t'as eu des démêlés. Moi, je trouve que c'est excellent pour le show. Je l'adore, mon Richard Martel. Donc, pour revenir au match, les Sags ont pris les devants en première période avant que les Tigres créent l'égalité en deuxième sur un but de la recrue Jérémy Blain. Mais les Sags n'ont pas pris de temps pour reprendre l'avantage numérique, l'avantage du match, avec deux buts rapides de Michael Bélanger et Jacob Lagacé. Et voilà, ça en était fait des Tigres. Victoire des Sags 4-1, mais les Tigres auront l'occasion de se reprendre face aux Sags alors qu'ils le recevront ce vendredi au Colisée Desjardins. Et samedi, toujours à Victoriaville, les Tigres recevront la visite du Drakkar de Baie-Comeau. Donc, je vais être positif cette fois pour les Tigres. Je leur donne deux victoires dans la fin de semaine. C'est rare, j'ai raison dans mes prédictions, mais je pense que ça serait le bon temps là pour les Tigres de me donner raison. Moi qui leur prédis une semaine parfaite. En terminant, petite nouvelle comme ça, Mario Richer a démissionné de son poste d'entraîneur-chef des Olympiques, eux qui ne connaissent pas un très bon départ, avec un dossier de 5 victoires, 13 défaites. Il sera remplacé par un ancien joueur des Blackhawks de Chicago, Jérôme Dupont. Et les joueurs du mois d'octobre dans la LGMQ sont du côté offensif Cédric Lalonde-McNicol des Cataractes. Du côté défensif, c'est le gardien de but Nicolas Riopelle des Wildcats de Moncton. Mm-hmm. Et la recrue du mois est Sergei Obstachuk des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, c'est ce qui conclut la chronique junior majeur. J'aurais juste à ajouter, la recrue du mois, c'est pas mal tout le temps un joueur importé. Hein? C'est tout le temps un joueur importé là, qui finit en OV. Ouais, ça, c'est ça. Ça finit en off, le trois quarts du temps. Écoutez, parti calendrier, cette semaine, ce soir, comme on en a parlé, les Patriots affrontent les Redmen de McGill, ici même à Trois-Rivières. C'est un rendez-vous. On espère voir beaucoup, beaucoup de monde dans la cabane. Pour le reste de la semaine, les Patriots, vendredi, vont affronter Ryerson, ici même à Trois-Rivières. Et samedi, à 14h, ils affrontent l'Université de Toronto, encore ici même à Trois-Rivières. Donc, les Patriots sont trois fois à Trois-Rivières cette semaine. Ça vaudrait la peine de se déplacer. Et dimanche, 12h30 sur les ondes de RDS, c'est la Coupe Dunsmore, c'est-à-dire le championnat québécois de football collégial, universitaire, désolé. Donc, c'est Laval qui affronte Concordia. J'y vois de ma prédiction. Laval va remporter la partie très facilement. Oh, une prédiction, je pense, là, qui est quand même... Ah, c'est ça. Il fait comme prédiction, là... C'est assez facile de dire ça, que les Rougeards vont gagner. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'est un peu plate, là. Donnez-leur le trophée de suite. Faites un tournoi avec les quatre meilleures autres équipes pour voir le meilleur deuxième. On va avoir plus de fun. On va changer de ligue, je pense. Vous êtes pas assez fort. Ouais, c'est ça. Donc, écoutez, c'est ce qui conclut l'émission. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à notre site internet au www.inconduitedepartie.com. Envoyez-nous des emails, des critiques, c'est tout le temps apprécié. Donc, Pierre-Luc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine, yes. Toujours à la même heure, 9h le mercredi matin. On se laisse en musique avec le groupe Chinatown pour la chanson Tour Assassin. Merci beaucoup, bonne semaine. Bonne semaine tout le monde.